voudraient tous que je passe mon tour. Je vais pas te mentir, faudra me payer pour que je fasse mon doux. Les MC me jaloux, je m'en fous, ça je m'en doute. J'arrive dans le rap comme un séisme au Katmandou. Éclatement de bouche dans une cour de récréation. Réglé à fond, on écoute mes créations. Appréhension, absence de prétention. À peine dans le son, combien d'MC en péremption, tu sais. À peine lancé, on m'appelle l'ancien. Mon talent, personne peut me l'enlever. Me laisser en chien, l'étal maltraite. Ils me font chier, aujourd'hui mes textes leur prennent la tête comme des mots fléchés. Je devrais freiner, arrêter le combat comme mort mec, c'est mort mec. De toute façon si je perds je devrais m'en remettre. Je suis fait de bois rouge comme les Wolofs sous Zouman Jack. Tu sais poids lourd qui écrase tout comme la manchaffe. Tu sais l'ami, même si tu roules pas en Ferrari. Perds pas espoir, on sait jamais de quoi est fait la vie. Tu sais l'ami, je vais pas m'étendre, je vais faire court. Je veux juste entendre la foule qui scande des cerfs. Tu sais l'ami, même si tu roules pas en Ferrari. Perds pas espoir, on sait jamais de quoi est fait la vie. Tu sais l'ami, je vais pas. Je vais faire court, je veux juste entendre la foule qui scande désert crew. Tu sais l'ami, la misère tue depuis des millénaires. On nous a mis les chaînes pour nos ressources minières. Entre crise et guerre, l'Afrique s'égare, le fric s'égrène. Le sang coule et chaque ami s'écarte. Qui a dit qu'avec le temps, les blessures cicatrisent. Le pire arrive, la prison, l'hôpital psychiatrique. Les petits de la thèse traînent. Entre vices et merveilles, des merdes vieux. Même si c'est pas ce que nos mères veulent. Tu sais, ce qu'on demande pour quitter une plaine, man. Le consulat exige plus de preuves que Pierre Belmar. On veut la peine, hein. On veut vivre peinard et pas remplacer le code noir par le code pénal. Au final, on mène une vie naze et on le vit mal. Les grands liquides, les petits noyés dans la vinasse. L'école, loin d'être fiable, nous envoie au casse-pipe. À quoi bon qu'on sache lire pour finir captif. Tu sais l'ami, même si tu roules pas en Ferrari. Perds pas espoir, on sait jamais de quoi est fait la vie. Tu sais l'ami, je vais pas m'étendre, je vais faire court. Je veux juste entendre la foule qui scande des cerfs. Tu sais l'ami, même si tu roules pas en Ferrari. Perds pas espoir, on sait jamais de quoi est fait la vie. Tu sais l'ami, je vais pas m'étendre, je vais faire court. Je veux juste entendre la foule qui scande des cerfs. Tu sais, l'instru est bonne et la basse cogne. Y'a un peu de cash cogne, j'boxe plus avec les mots, j'les bastonne. Le H sonne, nous assommes, défoncés, on cogite. Ce qu'on vit est trop court pour avoir le temps qu'on jouit. Sans bruit, conflit, loin des quartiers cosy, couseux. Finir au quart plat, c'est pas ce qu'on vise. Bras tout pour sauver, avant de chez tout le ciel. Tout ce que j'ai, c'est un son lourd et un bon chez Boudjen, tu sais. Dans le 18, pas de télé tombise, la télé t'oublie. Tu fais le fou, tu te fais tuer, te paye. Si on tombe pas, sous les gyrophares, pas de protecteur, ma réussite, j'la dédie aux fans. Tu sais, ça tire en bas et ça se pique au parc. Mon fils, je veux pas qu'il fasse son trou avec une pipe à crack. Le vice, ça grimpe plus vite que le cours d'un bourse. Là où je vis, ça craint de solution, les tous à court.